Je suis un peu désolé. En fait, on avait prévu de poursuivre un petit, d'approfondir un petit peu la discussion Jeff Clack, femme photographe, sur le corps et la peau. Mais bon, comme disait au début les copains de la radio, c'est très expérimental. On n'a pas vraiment l'habitude. Du coup, là, on a déjà beaucoup dépassé. Donc, je pense qu'on peut considérer que là, déjà par le montage, on voit beaucoup de rapports entre nous. Et par contre, maintenant, je vais passer la parole à Métig. Qui a fait un interview de Flavia dans la revue Z consacrée à l'école et à Grenoble sur une révélation de la transidentité à l'intérieur de l'éducation nationale. Et pour des raisons d'horaire, elles doivent partir assez vite. Du coup, là, on va faire un gros zapping, même si c'est vraiment pas sans rapport. Vous allez le voir avec plein de choses qui sont notamment dans la revue Femmes Photographes, que je vous conseille vraiment de regarder, y compris de lire les petites, au-delà de celui qu'on a lu là, in extenso, mais même les tout petits textes qu'accompagnent à la fin les séries de photos, ils sont vraiment magnifiques. Et voilà, bah, je te passe la parole, Métig. Ok, bonjour. Donc, moi, c'est Métig, c'est comme ça que ça se prononce. Et c'est Fabia qui est à côté de moi. Je pensais vous présenter vite fait d'abord le dernier numéro de la revue Z. Donc, c'est Z14. Qui s'intitule « Et l'école, elle est à qui ?». Donc, cette année, on a fait notre itinérance à Grenoble pendant un mois, au mois de novembre, et on s'est intéressé à la question de l'école primaire. Donc, on est arrivé à Grenoble à l'annonce du second confinement, en fait. Et donc, quand on était là-bas, on s'est demandé... est-ce qu'on pourrait enquêter ? Comment ça allait être ? Est-ce qu'on pourrait rentrer dans les écoles ? Et finalement, on a pu faire cette enquête. C'est vrai que nous, on n'a pas directement traité la question des corps ni de la peau à l'école. Que ce soit avec les enfants ou avec les personnes qui gravitent autour de l'école. On a considéré l'école comme un lieu de travail. On a regardé quels étaient les différents courants pédagogiques. On s'est posé les questions de quelle était la place de l'écologie, de l'environnement à l'école. On s'est interrogé sur la place des questions de religion ou de classe encore à l'école. Et il y a aussi un dossier sur les normes de genre à l'école qui s'appelle le chahut des normes, et donc c'est surtout de ça qu'on va vous parler. Il y a quelques éléments qu'on pourrait considérer en lien avec la thématique du corps. En fait, ce dossier, le chahut des normes, s'ouvre avec un texte qui s'appelle « En tant que mère, en tant que femme, mes engagements sont liés ». Donc c'est l'entretien de Taous Amouti, une femme qui est déléguée parent d'élève, militante, antiraciste et féministe, et qui porte le voile. Et elle nous a raconté que en 2019, en tant que mère d'élève qui porte le voile, elle a dû lutter à son école pour que son école se positionne et mette ça en conseil de classe sur la décision du Sénat qui, dans le projet de loi pour une école de la confiance, visait à interdire les signes religieux lors des sorties scolaires. Donc je voulais vous lire un petit passage de son témoignage. Quand il y a eu la proposition de loi au Sénat d'interdire aux mamans voilées de participer aux sorties scolaires, on a témoigné notre mécontentement à la directrice pour qu'elle puisse en faire remonter à l'inspection. On était vraiment en colère. J'imagine juste une seconde qu'on m'interdise les sorties, moi dont les convictions sont d'accompagner mes gamins tout au long de leur scolarité. C'est comme si on me coupait la respiration. On a organisé une manif devant l'école, avec d'autres mamans. On a accroché des foulards sur le portail, on a écrit sur des pancartes « Égalité, fraternité, toutes les mamans sont égales, pas de sortie d'école, pas de gâteau, les institutrices sont plutôt restées neutres ». L'un des directeurs est venu nous dire qu'il nous soutenait. Mais deux mamans de l'association de parents d'élèves se sont opposées à ce qu'on parle au conseil d'école de ce projet de loi au Sénat. J'ai pris une claque. J'ai l'impression que ce rapport des blanches aux mamans arabo-musulmanes, c'est « vous restez juste à préparer les gâteaux ». Pour des questions de droit, elles voudraient qu'on reste derrière elles, qu'on attende leur feu vert. Mais finalement, on a quand même réussi à mettre cette question à l'ordre du jour en conseil d'école en juin 2019. Ensuite, donc, dans ce dossier, on a co-écrit un texte avec Naïke qui s'intitule « En rang ». Donc, on essaye de... C'est mon micro qui tombe. Bah voilà, on a essayé de voir quelle était la place de l'école dans cet apprentissage des normes de genre. Donc, on y explique que l'école reproduit les inégalités, les stéréotypes, mais les crée aussi, que très tôt, les enfants sont mis dans des cases dès la maternelle. La chercheuse Gabrielle Richard dit par exemple que l'école fait le genre, qu'il y a une assignation constante des enfants à leur genre. Mais heureusement, il y a aussi des enfants qui transgressent les attentes genrées. Par exemple, il est plus accepté en classe pour les élèves garçons qui soient turbulents, et c'est des comportements qui sont moins acceptés chez les élèves filles. Mais ça part aussi des caractéristiques physiques qui sont plus ou moins acceptées selon le genre des enfants à l'école. Je vais vous lire des petits passages de ce texte. Abdel a toujours aimé sa tignasse longue et bouclée. Mais à l'école, on lui disait de tous les côtés qu'il était une fille. J'en ai parlé à ma maîtresse. Je lui ai dit qu'il fallait faire une discussion là-dessus, nous raconte sa maman, dynamique parent d'élève d'Échirolles, près de Grenoble. Elle n'a apparemment rien fait, regrette-t-elle, en ajoutant que les instits sont très occupés, qu'il faut bien finir ses programmes. Pour les rares garçons qui transgressent les codes, c'est une véritable bataille. Une petite fille déguisée en chevalier, d'accord, mais un petit garçon avec un costume de princesse, ça non, note la journaliste Aurélia Blanc. Si les garçons ont de meilleures places dans la société, ils n'ont pas le droit d'en sortir, déplore-t-elle. C'est le cas de Joachim, élève de CE2, interrogé au retour de notre enquête. L'école, c'est nul. Je n'ai qu'un ami. Je me suis fait taper l'autre fois. Je pense que c'est parce qu'on me dit que je suis une fille, parce que j'ai les cheveux longs. Une fois, j'ai mis du vernis, mais je le referai plus. Ils m'ont dit que c'était pour les filles. J'ai dit, mais vous croyez que c'est une insulte ? À la maison et le week-end, je mets des robes. L'école de mes rêves, ce sera quand je pourrai mettre des robes. Moi, je suis un garçon, mais l'année dernière, je voulais vraiment être une fille. Et puis, ça m'est passé. Or, une société qui ne laisse pas aux garçons la possibilité d'être autre chose que des hommes virils forme le terreau idéal sur lequel se développe la masculinité prédatrice. Ce sont déjà les bases qui se développeront avec les années pour consolider un modèle viril qui légitime les violences des hommes à l'œuvre dans le monde adulte. Emprise, agression verbale, violence conjugale, viol, féminicide. Donc, ensuite, on s'est interrogé sur comment est-ce que ces normes de genre étaient transmises à l'école. Donc, par exemple, c'est très présent dans les manuels scolaires, les institutrices et instituteurs ont aussi une attention différenciée aux enfants selon leur genre. En ce qui concerne le corps, Fabia pourra peut-être en témoigner un peu plus, mais oui, on a plusieurs instituts qui nous disaient que, en fait, dès la maternelle, elle pouvait observer des différences de motricité chez les élèves filles et les élèves garçons. Il y a aussi, toujours sur la question des corps, il y a aussi quelque chose à laquelle on a moins laissé de place dans ce numéro et dans le texte, c'est la question de la division genrée de l'espace à l'école, surtout la cour de récré. Donc on a, je vous conseille d'aller regarder un documentaire. Donc je vais vous lire le petit, excusez-moi, le témoignage d'une enfant qui explique comment est-ce que les filles à l'école sont donc marginalisées, n'ont pas l'espace nécessaire pour pouvoir jouer et s'épanouir, parce que les garçons prennent toute la cour de récré. Ça m'énerve parce qu'à l'école, les garçons nous interdisent de jouer au foot. Il y en a plein qui s'en fichent, mais moi, j'aime bien jouer au foot. Ils ont beaucoup de terrain et des fois, ils viennent en dehors et donc on a encore moins de place. Mais ça m'embête vraiment parce que la cour, elle est à tout le monde, raconte dépitée la fille de la réalisatrice Éléonore Gilbert, alors élève en CE1, dans le documentaire Espace de 2014. Croquis à l'appui, elle illustre les minces espaces dans lesquels les filles de son école dans le quartier de Saint-Bruno à Grenoble sont cloisonnées. Je voulais aussi vous parler des différenciations, des différents espaces genrés, mais notamment des toilettes, mais on va passer là-dessus. Dans ce dossier, il y a aussi un très bel article de Mathilde Bléza sur la lutte contre les violences infligées aux enfants depuis l'école et les différents dispositifs de prévention des violences, notamment sexuelles. Il faut savoir que en France, on estime à peu près qu'un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles, donc ça fait 2-3 enfants par classe. Et heureusement, il y a des militantes et des associations qui essayent de prendre ça en main en France. Et donc c'est très difficile. Donc cet article fait une comparaison entre ce qui est difficilement mis en place en France et ce qu'il y a à côté au Québec et en Belgique. Et donc Fabia fait partie d'une de ces associations, ça s'appelle Clafoutis. Et je vais te passer la parole, peut-être tu peux nous présenter ce que tu fais avec les élèves. Oui, donc c'est bon, les micros marchent. Oui, bonjour tout le monde, donc je suis Fabia. Donc je suis institutrice dans le 18e à Paris, en maternelle. Et je suis aussi, par ailleurs, il y a un article de Z, j'ai envie de le dire parce que c'est quand même important, qui parle de ma sortie de placard au travail en tant que personne trans dans une école où je suis restée. Donc juste pour celles et ceux qui m'entendent, c'est pas une raison de m'outer n'importe comment. Donc venez pas me parler de trucs de trans tout le temps et juste lisez l'article si vous avez envie d'en savoir plus. Je fais aussi par ailleurs, j'ai aussi participé à la dernière revue PD La Revue, qui fait partie des revues présentes ici, à qui on n'a pas donné la parole. Alors je me dis que c'est peut-être que parce qu'ils n'ont pas, qu'elles n'ont pas assez de personnes pour venir parler. Mais il y a des articles vraiment très chouettes, et notamment sur le corps, où vous pourrez vraiment, hyper chouette. Bref. S'il faut parler de Clafoutis, c'est assez facile pour moi d'en parler parce que là, je sors une intervention qu'on a faite dans l'école où je travaille, justement, qui est une école polyvalente dans Paris. Polyvalente, ça veut dire où il y a à la fois des classes de maternelle et des classes d'élémentaire. Il y a à peu près 200 élèves et on a fait en sorte d'intervenir sur la plupart des élèves, sur toutes les classes, sauf les élèves de petite et moyenne section, puisque dans l'école, on a des classes multi-âges de maternelle, de petite, moyenne, grande section. Voilà, donc on a touché en gros à des élèves, pour certains, de moyenne section, pour celles et ceux qui étaient en capacité d'écouter et de suivre jusqu'au CM2. Et donc comment ça se passe, je pense que l'article en parle très bien. Mathilde d'ailleurs, je tiens à vraiment la remercier de son boulot de ouf parce qu'elle a fait un travail d'enquête incroyable et elle parle aussi, nous on fait de la prévention en gros des violences faites aux enfants et notamment des violences sexuelles avec notre programme qui est inspiré du programme CAP dont elle parle dans l'article, mais elle parle aussi d'un programme qui s'appelle PRODAS qu'elle présente rapidement dit comme complémentaire puisque c'est un programme de discussion où les enfants discutent régulièrement avec donc une animatrice qui est formée à ça sur tout ce qui est les émotions, la prise en compte de l'autre, la prise en compte de ce qui nous traverse. Et du coup, l'idée, c'est que ça aide à être en contact avec ce que les enfants, en fait, ressentent, à le repérer et à le prendre en compte, et notamment à développer l'empathie chez les personnes assignées hommes qui sont socialisées plutôt généralement dans la non prise en compte de l'autre, dans l'accaparement de l'espace, dans la violence déjà très rapidement envers les autres personnes qui ne sont pas ou ne prennent pas les capacités de répondre. Donc voilà, j'en parlerai pas plus de ça parce que je le pratique pas trop, même si j'aimerais me former à ça. Et ce dont je vais parler là, c'est le programme CAP de prévention des violences faites aux enfants. Et donc ce programme, tu me coupes, moi je suis en roue libre là, mais du coup, n'hésite pas. je le présente parce que j'imagine que tout le monde n'a pas lu les articles, donc c'est un programme qui est censé toucher déjà pas que les enfants, mais les parents, tuteurs, tutrices, éducateurs, éducatrices, même grands-parents, en tout cas les enfants, les adultes qui élèvent, éduquent les enfants, les personnels des écoles. Généralement, on n'arrive à toucher que les professeurs, malheureusement, mais on pourrait aussi faire en sorte de faire venir les personnels précaires qui accompagnent les enfants en situation de handicap, ou les personnels dits ouvriers des écoles, de ménage, ou les ASEM, et les personnels de cantine, tout ça, le gardien, la gardienne. Bref, pour l'instant, on a une réunion, un atelier destiné au personnel des écoles, donc plutôt les professeurs, un atelier dirigé envers les parents et un atelier dirigé envers les enfants. Donc l'idée, c'est de toucher à l'ensemble de la communauté éducative qui entoure les enfants. Et comme c'est vraiment un programme de prévention, c'est essayer de faire passer un discours de connaissance et de comment écouter les enfants et de comment repérer aussi, d'ouvrir les yeux sur les violences, parce que c'est quelque chose qui est hyper silencieux et tabou. Et du coup, de donner des capacités de réagir aux enfants, mais aussi, puisque ça passe par le recours aux adultes, de donner aux adultes les capacités d'entendre quand les enfants parlent ou quand les enfants ont des signes que ça ne va pas. Je suis claire, là ? Ouais. Ouais, merci. Sinon, donc voilà. Et quand on passe, le programme est bâti sur des scénettes des scénettes où il y a une scénette d'agression. Et à la fin de la partie, je vous dirai les parties qu'on a après, il y a une scénette de résolution. Alors, c'est pas du théâtre de l'opprimé, puisqu'on ne fait pas participer les enfants, ou à minima, mais on ne change pas le scénario, en fait. Enfin, c'est nous qui avons décidé à l'avance du changement de scénario. Et voilà. Et les scénettes sont basées d'abord sur une situation de harcèlement entre enfants, de racket, puis sur une situation de tentative d'enlèvement d'un adulte inconnu sur les enfants, sachant que on pourrait dire que ça n'arrive peu et que c'est ce que tout le monde a en tête, mais on le met quand même parce que, globalement, si ça arrive, les enfants ont de très très fortes chances de mourir, puisque l'agresseur ne va pas, en fait, s'embêter à mettre en place un rapport d'emprise et pour continuer à agresser l'enfant. Juste, ça va être, entre guillemets, pour parler en termes très crus, du one shot. Et il y a une scène d'agression sexuelle d'un adulte de la famille sur l'enfant. Puis, on a rajouté une scène issue du programme de Mon corps, c'est mon corps, qui date du Canada, dans les années 80, où il y a un enfant en quête, enfin, qui cherche un adulte à qui parler. Donc, voilà. Et dans tout ça, donc, il y a de l'autodéfense. On apprend aux enfants des stratégies concrètes, pratiques, pour se défendre ou trouver de l'aide, et en tout cas ne pas rester seul avec ce qui se passe. Et ce qui est assez à la fois intéressant et vraiment préoccupant, je trouve, c'est à l'issue de cette... je vais parler directement de ça parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de temps, non ? Ouais. À l'issue de cette intervention qu'il y a eu dans l'école où je travaille, donc on a écrit, à la fin de l'atelier enfant, il y a un moment où les enfants, qu'on appelle un moment de bilan, où les enfants peuvent s'inscrire volontairement, sur la base du volontariat, pour venir parler aux animatrices de l'atelier, pour parler de ce qu'elles veulent. L'idée, c'est que des fois, les enfants peuvent parler d'agression à qui elles vivent à la maison, et du coup, quand ça arrive, nous écrivons ce qu'on appelle dans le jargon de la protection de l'enfance des informations préoccupantes ou des signalements. Et donc là, on en a écrit quand même une dizaine, plus un signalement pour agression sexuelle. Et il se trouve que on a reçu une répression énorme de plein d'institutions. Et donc quand je parle on, c'est l'association Clafouti, qui est constituée que de bénévoles que de bénévoles et de militants et de militantes, parce qu'on est peu et que personne trop se soucie, peu de gens se soucient de ces questions-là. Donc une répression qui, et l'école aussi, puisque comme les adultes ne sont pas formés ou peu formés, Quand on essaye de faire quelque chose, en gros l'idée là c'est qu'on a essayé de faire quelque chose, on a essayé après en plus cet épisode médiatique de MeToo Inceste et d'une médiatisation assez forte en fait de, avec le livre de, est-ce qu'on peut me le rappeler, Camille Kouchner, merci. Donc on en a parlé, nous on essaye de faire ça, même ce qu'on fait depuis plusieurs années, là on essaye de le faire et ce qui se passe c'est que l'école et nous, l'association, on est donc la CRIP, qui est la cellule de recueil des informations préoccupantes, appelle l'école pour dire qu'est-ce que c'est que toutes ces IP qui arrivent d'un coup, on n'a pas les moyens de le gérer, arrêtez ça, qu'est-ce que c'est que cette association, on ne les connaît pas, c'est quoi ce bordel en gros, au lieu de se dire ah bah tiens c'est intéressant, là vous réussissez à faire parler les enfants, comment on pourrait travailler, nous ça nous pose des problèmes de nombre, enfin voilà, de conditions de travail, mais on pourrait peut-être penser ensemble le fait de demander de meilleures conditions, de plus de personnes pour travailler là-dessus, non c'est juste fermer vos bouches quoi, ce qui arrive la plupart du temps quand on parle de violence, et notamment de violence faite aux enfants et d'inceste. La brigade des mineurs qui a eu vent de notre signalement, pareil, nous appelle en disant « vous faites n'importe quoi, vous provoquez la parole de l'enfant, l'enfant vous inventez des choses, l'enfant a inventé », donc un discours d'agresseur hyper fort. Le rectorat nous a appelé, bien qu'on n'envoie pas les IP, le signalement au rectorat, même si on serait censé le faire, ils ont quand même eu vent de ça, ils nous appellent pour nous dire « mais comment ça que la foutine n'est pas... je trouve plus le mot, n'a pas l'agrément du rectorat de Paris, bien qu'on l'ait demandé deux fois et qu'on nous l'ait refusé pour des raisons complètement absurdes. On en parle un peu dans l'article. Et enfin, la chef des AS, assistante sociale du 18e, nous appelle aussi pour dire « je ne veux plus entendre parler de Clafoutis et de votre école, ça suffit, c'est n'importe quoi ce que vous faites ». Donc, conclusion, il semblerait là qu'en ce moment, au-delà des campagnes médiatiques en cours qui... encore une fois, soulève comme en fait un article, ou bien c'est un article dans un autre Z de Léonore Lequen, dans le Z10 de Marseille, qui parlait de ça. C'est que à chaque fois qu'on parle, enfin, c'est pas nouveau en fait qu'on parle d'inceste, qu'on parle de violence sexuelle envers les enfants, et que bah, à un moment les gens sont un peu sans souci, sont là, oh là là, oui, c'est vrai qu'il y a tous ces chiffres, c'est assez horrible, etc. Et hop, passer la vague médiatique, ça reprend, enfin, en tout cas. Les pères et les adultes continuent à violer, en tout cas. Et peu de choses changent, et notamment aucune pratique étatique, si on en voudrait, en tout cas. Ce qui fait que c'est problématique, et que moi, en tout cas, à l'heure actuelle, là, ce qu'on se dit, c'est déjà prendre acte de ce qui se passe et du concret, de « on a fait ça, et voilà la réponse, en tout cas ». Systémique étatique qui nous est donnée. Et deuxièmement, c'est un moment invité. Bon, là, je vois qu'il n'y a pas grand monde dans les gradins, mais peut-être qu'il y en a plus d'or. Mais inviter et réfléchir à ça, à une espèce de campagne politique, je pense que c'est assez nécessaire pour pointer les dysfonctionnements de la protection de l'enfance, pour pointer l'espèce, encore une fois, d'horreur, en fait, que énormément d'enfants vivent des violences, vivent des agressions sexuelles, et que globalement, rien n'est fait pour contrer ça. Et quand quelque chose essaye d'être fait, des bâtons sont mis dans les roues, on essaye de nous faire taire et de nous faire disparaître. Donc, c'est pas hyper joyeux, mais c'est ce que j'avais envie c'est ce dont j'avais envie de parler là, actuellement. Peut-être pour terminer, tu peux faire une petite annonce pour l'atelier qui va y avoir lieu maintenant ? Enfin, maintenant, dans une dizaine de minutes, quand on sera un peu reposé. Ouais. On m'entend là ? J'ai pas l'impression. Ah, si. Je regarde le régisseur avec des yeux bizarres. Là, on m'a demandé de faire un atelier destiné aux adultes. Alors, c'était un peu bizarre parce que, bon, moi, j'allais pas non plus tout réinventer. Donc, en gros, les personnes qui sont intéressées assisteront à l'atelier qu'on donne destiné plus aux parents de l'école, pour un peu sensibiliser les gens aux violences et leur faire réfléchir à comment écouter leur enfant, prendre en compte leur avis, voir les signes les croire et voir les signes de potentielle maltraitance qu'ils pourraient vivre, donc hors de la famille, même si des fois ça arrive dans la famille. Donc c'est censé être à 16h30, mais comme il y a du retard, ça sera, j'imagine, en 5-10 minutes dans le petit jardin qu'il y a au fond. Alors si vous ne me voyez pas, il s'appelle comment ce jardin ? La petite Le théâtre de Verdure, je crois. Le théâtre de Verdure, j'espère que ça dit quelque chose aux gens. Mmh. Et enfin, j'aimerais quand même finir pour... Enfin, du coup, parce qu'on doit finir. Hein, pour de lire un extrait de PD La Revue, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'encore une fois, je trouve ça assez triste que cette revue ne soit pas représentée dans ce panel, notamment par rapport au corps. C'est pas une critique des organisateurs, je sais que les gens de la revue et des organisatrices, les gens de la revue en fait n'étaient pas disponibles. Et comme j'ai écrit un texte dedans, bah j'ai voulu en voilà, j'improvise une espèce de début de lecture et on finira par ça. Donc l'article s'appelle Féminité interdite et il commence comme ça. Je repense souvent au temps perdu à accepter qu'on me prenne pour un mec cis. Si j'ai longtemps attendu, avant de transitionner, c'est que j'ai dû dealer avec une interdiction, répression super forte d'aller vers la féminité. Cette interdiction a pesé super fort dans ma vie et m'a empêchée pendant trop longtemps d'être la meuf que je suis aujourd'hui. J'imagine que je suis évidemment pas la seule à m'être débattue avec ça, que ça doit concerner plein d'autres personnes assignées M à la naissance, cis ou trans. Alors j'avais envie d'en dire un peu plus sur comment ça s'est passé pour moi, des moments pourris, aux solidarités qui m'ont permis de goûter un peu au féminin, de kiffer ça, et d'oser enfin déserter la masculinité à tout jamais, pour mon plus grand bonheur. Je me souviens que petite, j'étais une tafiole. J'avais plein de manières, comme le disaient les adultes. J'avais plein de gestes avec mes mains et mes bras. J'avais des intonations pas nettes dans ma façon de parler aussi. J'aimais bien ça. J'ai l'impression que c'était un peu toléré tant que j'étais très jeune, puis au fur et à mesure des années, la répression des autres, enfants et adultes, a augmenté. J'ai quelques souvenirs, des regards désapprobateurs, des remarques humiliantes, des sourires malaisants des adultes, les injonctions à jouer avec les garçons, les interdictions à bouger comme une fillette en cours de sport, ou à mettre tel vêtement, telle couleur, de jouer avec tel jouet. Du côté des enfants, les moqueries et les insultes sont montées crescendo au fur et à mesure des années. De « tu bouges comme les filles », puis rapidement, en fin de primaire et au collège, pédé, tapette, suceur de bite, enculé. Au collège, je me suis fait harceler pendant 2 ans par un mec qui voulait me corriger. Il m'attendait à la sortie du bahut, faisant la liste de tous les moments de la journée où il considérait que j'avais été trop tapette et que j'avais pas su me retenir, ce que j'essayais de faire le plus possible déjà à l'époque. Il me frappait, m'humiliait quand je m'étais pas assez contrôlée. Tous ces moments m'ont poussé à effacer mes manières et à rien laisser paraître. J'y suis arrivée pendant un moment et je sais que d'autres ne peuvent pas forcément faire ça. J'y suis tellement bien arrivée que maintenant c'est le bordel parce que je dois toujours penser à faire des efforts pour me débloquer et m'inonder tranquille. Ce n'est pas tout le temps automatique ou naturel et c'est très pénible parce que j'adore ça. Et j'arrête là. Merci beaucoup. Rester dans la même époque, mais l'aborder par une autre face, puisque là, on a vu les conséquences d'une forme d'industrialisation de l'éducation à travers la construction de collèges pour répondre à la massification scolaire et dans les années 60-70. Et à la même époque, c'est aussi un moment d'expérimentation et de liberté un peu plus grande qu'aujourd'hui, accordé aux académies et aux équipes enseignantes, Et c'est une histoire qui s'est incarnée notamment dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble, donc un quartier qui correspond à ce qu'on a appelé les grands ensembles, donc des milliers de logements construits en banlieue de Grenoble, enfin c'est sur la commune de Grenoble, mais où a eu lieu donc une expérimentation pédagogique et urbaine que Laura, tu vas nous raconter maintenant. Oui, donc peut-être pour recontextualiser, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, c'est un peu une spécificité de la revue Z de choisir du coup chaque année un territoire d'enquête pour du coup déployer son analyse et son itinérance et produire du coup son numéro annuel. Et donc effectivement, l'expérimentation de la Villeneuve a été une des raisons pour lesquelles on s'est retrouvé à poser nos valises à Grenoble en pleine période de confinement. Voilà, puisque cette expérimentation pédagogique, on en avait un petit peu entendu parler, ça nous avait donné envie d'aller voir ce qu'il en restait, en tout cas d'essayer de peut-être, avec les personnes concernées restant sur place, de dresser une sorte de bilan quoi, de cette expérimentation qui date des années 70. Donc là, je vais tenter de vous relater un article que je n'ai pas écrit, donc l'exercice n'est pas facile, donc je me fais la porte-parole d'Anna Lochard, qui a arpenté la Villeneuve en long, en large et en travers, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais donc l'idée, c'est voilà, surtout de vous donner envie de lire son article et pas forcément de tout raconter, donc il y aura des petits spoilers, voilà. Mais donc du coup, peut-être pour vous dire en quelques mots où est-ce qu'on se situe, essayer de poser un petit peu le décor. Donc l'équipe de Z arrive à Grenoble, on commence une sorte d'arpentage au long cours sur la question de l'école primaire. Donc nous, on s'est plutôt intéressé à l'école primaire et pas forcément au collège, mais on va voir que dans le cas de la Villeneuve, il y a quand même pas mal de liens. Et du coup, tout le monde nous parle effectivement de ce quartier un peu spécifique qui, avant d'être une expérimentation pédagogique, est surtout une expérimentation architecturale, puisque c'est donc une ville qui a été construite de toutes pièces sur décision, enfin voilà, avec un fort portage politique dans les années 70, et qui était vraiment l'idée de réaliser matériellement une utopie sociale basée sur voilà, le pari de la mixité et d'une ville construite sur des espaces publics extrêmement traversants ou en tout cas des catégories de population très diverses, étant à la fois des jeunes foyers accédant à la propriété pardon, et aussi d'être des immigrés ou des catégories de population nouvellement arrivées sur le territoire français pourraient se croiser. Donc on arpente un quartier qui est vraiment très étonnant sur le plan architectural et qui est composé de coursives, d'espaces publics très atypiques sur lesquels justement l'idée c'est que les gens puissent se fréquenter, se croiser. Il y a notamment des buttes, enfin voilà, c'est assez paysager quoi. Donc c'est vraiment un quartier qui est fait pour être utilisé, qui est assez peu programmé finalement et où du coup l'idée c'est qu'il puisse y avoir une grande liberté d'appropriation par les habitants. Et ce qui est intéressant, c'est que la question des écoles, en fait, elle a été vraiment prise en compte dès la création dès le démarrage en fait des plans d'urbanisme de ce quartier, puisque du coup les écoles ont été pensées pour être complètement intégrées en fait à la vie des quartiers dans une perspective où il n'y aurait pas de dissociation entre l'école et la vie, mais au contraire qu'on favoriserait en fait de se dire que finalement l'éducation c'est tout au long de la vie et donc on essaye de créer un maximum de porosité en tout cas entre l'institution scolaire et puis la vie des familles. Et donc ça m'amène justement à faire cette transition sur le fait que c'est donc un projet pédagogique assez radical quoi, qui se met en place sur la Villeneuve, qui très tôt porte le statut d'expérimentation, donc qui se revendique comme étant vraiment en dehors des clous, quoi, vraiment atypique, et qui du coup met en place pour commencer une charte en fait, qui annonce un petit peu la couleur de ce projet pédagogique dont je vais vous lire quelques mots. Donc il commence ainsi. L'éducation consiste en une action globale qu'il n'est plus possible de dissocier en secteurs séparés et étanches, en période d'activité et d'arrêt. Elle a pour objectif d'aider l'enfant ou l'adulte à devenir un être capable de prendre les responsabilités individuelles et collectives, un être social, créatif, pourvu d'esprit critique. Voilà, donc ça donne un petit peu le ton de ce projet d'engagement, en tout cas des parties prenantes de la pédagogie à l'époque. Et un autre principe qui a été fort et qui est adossé à cette charte, c'est l'idée de la cooptation, c'est-à-dire que des enseignants peuvent se faire venir les uns les autres en fonction de leurs acquaintances intellectuelles et politiques. Et donc on voit débarquer en fait à la Villeneuve tout un cortège d'animateurs, d'éducateurs, d'instits qui non seulement ont envie de bosser ensemble, ce qui est quand même à signaler, je pense que c'est quand même assez rarement le cas dans l'éducation nationale telle qu'on la connaît plutôt aujourd'hui, mais en tout cas voilà, des gens qui se choisissent en fait pour porter un projet commun et qui sont dans une logique aussi pluridisciplinaire de venir effectivement soit du travail social, soit de l'éducation et qui décident de s'investir ensemble en tout cas dans ce projet. avec aussi une dimension importante de notre travail qui était d'associer les parents très fortement à la construction du programme scolaire, ce qui a fait circuler un peu cette petite phrase, en tout cas dont on nous a parlé plusieurs fois, qui était que les habitants de l'époque se disaient que l'animateur était compris dans le loyer et que du coup la question de l'école était vraiment très très présente voilà, dans les relations de voisinage, ou en tout cas c'était quelque chose qui faisait vraiment partie du cœur de la cité, quoi. Voilà, donc bien entendu le collège, bah, le collège de la Villeneuve de l'époque, il reflète un petit peu cette construction, quoi, la description que je viens de vous faire. Et donc à l'initiative, en fait, ce qui a été proposé dans ce quartier, c'est un collège qui est plutôt disséminé sur plusieurs bâtiments et qui du coup est voilà, pas du tout sur le modèle justement du collège Payron que tu décrivais, Alexandre, tout à l'heure, mais qui est vraiment un espace scolaire, par exemple, dont, alors il me semble que c'est le CDI qui sert aussi de bibliothèque pour le quartier, enfin, qui est extrêmement diffus en tout cas, dont l'espace n'est pas séparé de celui des autres espaces de vie ou des espaces communs en tout cas du quartier. Et en fait, ce collège, pour dire quelques mots sur sa trajectoire, a été reconstruit, enfin en tout cas a été abandonné dans les années 2000 pour être transformé en un collège digne de ce nom, aussi avec la volonté justement peut-être de transformer certaines des pratiques pédagogiques qui n'étaient plus au goût du jour, en tout cas entre le passage entre l'école primaire et le collège. Et donc il a été proposé un véritable collège au cœur du quartier de la Villeneuve, que les habitants décrivent encore comme la soucoupe volante, c'est-à-dire vraiment un bâtiment au contraire très fermé sur lui-même, très centralisé. Et du coup qui a été posé en plein milieu du quartier et qui bien sûr n'a pas du tout tenu les promesses d'émancipation de la pédagogie initiale de la Villeneuve et qui a été incendié en fait en 2017. Donc c'est un incendie pas tout à fait dans le même contexte que celui que tu racontais sur les écoles Payron, mais en tout cas je pense que la question de pourquoi est-ce qu'on brûle les écoles et du mécontentement des élèves par rapport au cadre de vie qu'on leur propose, elle se retrouve aussi un peu ici, et elle raconte un petit bout de peut-être de cette une partie en tout cas de l'échec de l'expérimentation pédagogique. Et donc du coup ce collège sous coupe volante a été incendié et ensuite a été donc reconstruit, est en cours d'être reconstruit, et aujourd'hui prend la forme d'un bâtiment plutôt à l'extérieur, en tout cas du quartier. Donc on est vraiment dans, quelque part, ça signe un petit peu la fin et du projet architectural et du projet pédagogique, puisque maintenant on se retrouve avec un établissement scolaire qui est vraiment très accessible par les pompiers pour le coup, mais complètement dissocié de la vie de la cité, quoi. Voilà, donc en tout cas, le propos de l'article d'Anna, c'est vraiment d'essayer de faire à la fois une fresque historique des motivations, des parties prenantes, en tout cas de cette épopée pédagogique de la Villeneuve, mais aussi de le resituer dans une perspective plus actuelle et de se dire qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc notamment, son article est suivi d'une lettre qui a été écrite par une ancienne élève de la Villeneuve à ses profs. Donc voilà, c'est aussi assez savoureux de savoir, en tout cas de faire le parallèle entre ce qui a été conservé en termes individuels, en termes personnels, et puis l'effet en fait plutôt de transformation à l'échelle institutionnelle qui est plutôt un échec, puisqu'effectivement petit à petit cette utopie pédagogique, en tout cas, c'est délité avec un peu deux leviers qui sont nommés par Anna, qui sont à la fois une transformation institutionnelle, c'est-à-dire tout d'un coup en fait un nouvel inspecteur beaucoup moins favorable en tout cas à cette cooptation entre les profs, beaucoup plus service en tout cas arrive et met fin notamment au principe de cooptation, mais en tout cas empêche un certain nombre de choses de se faire comme elles auraient pu se faire quelques années auparavant. Et puis également une succession de choix individuels qui se jouent et qui en fait façonnent la transformation sociale de ce quartier qui avait pour vocation d'être très mixte et qui font que malgré tout des parents d'élèves choisissent certaines écoles plutôt que d'autres, et que même au sein de ces écoles qui étaient censées favoriser l'émancipation de tous et toutes, il y a quand même certaines qui deviennent moins bonnes que d'autres, et puis du coup des principes un peu d'évitement scolaire qui se mettent en place, et qui fait qu'aujourd'hui quand on parle de la Villeneuve, à la fois il y a quand même une sorte d'héritage assez fort qui est partagé, un certain nombre de militants, alors qu'on appelle les têtes blanches, parce qu'effectivement ils sont à la fois de peau blanche et en même temps plutôt âgés, mais qui en tout cas portent cet héritage et continuent à le faire vivre dans une université populaire, en tout cas dans une tradition associative aussi qui est encore là, mais en même temps une réalité du quartier qui est décrite par les habitants et habitantes comme étant plutôt un quartier pauvre, défavorisé, avec des problèmes de jeunes en tout cas qui ne sont pas forcément bien avec l'école, et en tout cas un quartier qui a plutôt mauvaise réputation à l'échelle de la ville. Donc voilà, donc c'est un petit peu cette voilà, cette trajectoire qu'essaye de raconter Anna dans son article, que je vous invite à lire, bien entendu. Merci. Est-ce que tu veux dire quelques mots de l'expérience grenobloise autour des cours d'école? C'est aussi quelque chose qu'on a rencontré cette année et qui vient là aussi reposer sur cette question des espaces pour les enfants, à quoi ils doivent servir, qui doit décider comment ils sont, qu'est-ce qu'on en fait pour en tout cas le maire de Grenoble, donc Éric Piolle, qui fait partie de la cinquantaine de candidats et candidates à être le représentant unique de la gauche l'année prochaine, a fait des cours d'école un de ses arguments électoraux, puisque voilà, il prétend les avoir radicalement transformés à Grenoble. Qu'est-ce que toi, tu as pu découvrir autour de cette question en y étant l'année dernière ? Oui, c'est intéressant parce que du coup, pendant notre itinérance, on a beaucoup entendu parler des cours d'école, mais pas celles qu'on imaginait. On a entendu parler de cours d'école qui étaient en cours de débitumisation à Grenoble. Et du coup, voilà, un énorme battage médiatique autour du fait que certaines cours d'école allaient devenir un peu des jardins. Et par ailleurs, on est aussi tombé sur ce récit des cours d'école de la Villeneuve, dont je n'ai pas parlé, mais qui sont autrement singulières dans le sens où elles étaient ouvertes sur le quartier et dont le périmètre des cours d'école était codécidé entre les enfants et les instits en début d'année, savoir jusqu'où ils avaient le droit d'aller. Et donc nous, forcément, ça nous a beaucoup plu, cette histoire de cours d'école ouverts sur le quartier. Et par ailleurs, voilà, du coup, il y avait l'idée de mettre ça en parallèle avec les cours en cours de transformation dont tout le monde parlait à ce moment-là, et de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe aussi à l'échelle nationale, quoi, dans pas mal de métropoles qui essayent de verdir leurs cours d'école et de les transformer en ce qu'on appelle du coup des cours oasis, c'est-à-dire des cours jardins où à la fois on désimperméabilise le sol et puis en même temps on installe tout un tas de supports qui peuvent servir de programme à des activités en lien avec la nature, de jardinage, des copeaux, voilà. Et donc c'était intéressant de voir, en tout cas la question que moi je me suis posée en essayant de travailler un peu sur ce sujet, c'était de voir à quel point c'était un projet pédagogique de faire ça, ou à quel point c'était plutôt une logique d'urbanisme qui était d'exploiter un peu la réserve foncière des cours d'école pour, comme on le fait par ailleurs sur les places et sur tous les espaces publics possibles, essayer de recréer un petit peu des îlots de fraîcheur, ce qui est à la fois super légitime, je trouve, en termes de qualité de vie en ville, et en même temps pose des questions, voilà, d'attractivité, de effectivement, est-ce qu'on va pouvoir le faire à l'échelle de tous les quartiers, ou est-ce que, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une forme de greenwashing aussi à traiter certains quartiers plutôt que d'autres. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est intéressé. Enfin, l'idée, c'était de mettre aussi un petit peu en comparaison ce qui se passe à Grenoble et ce qui se peut se passer dans des villes comme Paris, où c'est assez massif, quoi. La transformation des cours d'école est vraiment hyper portée politiquement et est devenue un peu le fer de lance de la mère en place. Voilà. Et du coup, ce qui était intéressant de voir, c'était plutôt de constater que c'était assez peu fait avec le corps enseignant et que ça posait tout un tas de problèmes à la fois sur le plan de la gestion, c'est-à-dire des cours qui sont transformés du jour au lendemain et où du coup les parties prenantes de l'école ne sont pas forcément associées et ont très peu de temps pour s'adapter, pour se former, pour en tout cas essayer d'adapter leurs pratiques à ces nouveaux espaces, et que par ailleurs des pratiques plus émancipatrices comme l'école du dehors restent encore assez souterraines, assez difficiles à faire rentrer dans les cadres classiques de l'éducation nationale, quoi. Ce qui me permet de faire la transition avec ton intervention, Isabelle. Oui, mais du coup, justement, sur les débitumisations d'écoles, c'est pareil au niveau de Grenoble et Paris, c'est-à-dire qu'ils imposent de la même manière, ou alors il y a quand même une différence de style entre les deux municipalités. Pour préciser, sur Paris, en fait, il y a vraiment un concept qui a été inventé, qui est la cour oasis, et qui du coup est déployé, qui est décliné en fait sur les cours d'école, quoi. À Grenoble, c'est un petit peu en deçà de ça, dans le sens où en fait la cour est en partie végétalisée, mais une grosse partie est aussi transformée en sol, ce qu'ils appellent des sols mous, qui sont des sols en plastique poreux, donc qui permettent quand même l'écoulement des eaux, la récupération des eaux de pluie, mais qui sont pas du tout, enfin on est loin de la cour jardin, on n'est pas du tout dans l'image de tout d'un coup il y a de la pelouse partout, enfin voilà, en tout cas dans la cour dont les médias parlaient au moment où on faisait notre enquête sur place, c'était assez peu spectaculaire en tout cas par rapport à ce qu'on pourrait imaginer justement sur les plaquettes des écoles oasis parisiennes, quoi. Mais bon, c'est peut-être qu'un début. Oui, une petite réaction. C'est marrant parce que j'ai l'impression que cet élan-là existe quand même depuis très très longtemps quand on travaille sur l'histoire de la pédagogie et tout. Et notamment, ça me fait penser un mouvement qui est, bon, donc qu'on a un peu oublié peut-être quand même, une pensée pédagogique qui était celle de l'école caserne, la critique de l'école caserne qui a émergé après 68, mais qui a fait... qui a finalement été... bon, ça, elle ne s'est pas vraiment développée, cette critique-là, mais je peux vous citer là-dessus une petite citation de quelqu'un, donc un homme politique qui s'appelait Georges Mémin, qui en 70, donc dans le contexte des constructions Payron, formule la critique de l'école caserne en dénonçant la lourdeur des bâtiments, la froideur des vastes espaces nus qu'on baptise cours de récréation, le caractère impersonnel et répétitif des classes, des réfectoires. Et il finit en disant « tout contribue à écraser l'enfant ». Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ce qui est en train de se passer dans les cours de récréation, enfin les transformations en cours, n'a aucun rapport avec une réflexion sur l'école caserne par ailleurs. Donc, c'est vraiment simplement en lien avec justement ce besoin de verdir les écoles. Donc, au début, la réflexion, elle était vraiment menée sur comment on fait pour que ces espaces soient pas simplement des fours comme ils le sont à partir du mois de mai, et comment on peut y rajouter pas simplement quelques platanes comme il y en avait avant, mais bon, modifier réellement cet espace, donc le débitumer pour que l'eau puisse traverser, etc. Mais qu'il n'y a pas du tout de remise en question. Enfin, c'est pas du tout adossé à une réflexion sur l'école caserne. Après, par ailleurs, notamment l'école du dehors, on pourra y revenir, puisse, elle, mettre en critique un peu l'école en général et cette représentation de l'école caserne. Oui, c'est possible, mais j'ai pas du tout l'impression que c'est le cas dans les cours Oasis, qui par ailleurs, au début, n'étaient que quelques-unes. Enfin, il y avait que quelques écoles où vraiment il y avait pas du tout, enfin, même en termes de design, il y avait juste des petits rebords au-dessus duquel les enfants ne pouvaient pas passer. Donc, c'était vraiment pas pensé avec les enfants. Donc ça a été un petit peu transformé la dernière année, mais ça pose des problèmes apparemment. Enfin, moi, je n'ai pas de cours Oasis dans mon école, donc je ne m'en rends pas vraiment compte. Mais en tout cas, les échos qu'on a, c'est que ça pose plein de problèmes, notamment vis-à-vis des parents qui ne comprennent pas non plus, en fait, pourquoi, comment, qui trouvent que leurs enfants sont plus sales. Enfin, ça a été fait un peu sans que tout le monde se mette autour de la table pour réfléchir à ce que ça impliquait, et notamment aussi avec le personnel... De la ville qui travaille dans nos écoles, hein, les ACM notamment qui font le ménage et qui se retrouvent du coup à avoir des tâches de ménage beaucoup plus importantes que c'était avant. Donc il y a aussi une conflictualité sociale sur ces pratiques-là parce qu'elles n'ont pas été pensées, alors même qu'elles sont pensées avec les personnels de la ville normalement et complètement à l'écart de l'éducation nationale, n'ont pas été du tout pensées avec les personnels. Donc ça, c'est un vrai problématique et un vrai problème. Et c'est vrai que par ailleurs, y compris l'école de dehors, agit sur la propreté de l'école. Enfin, c'est des questions vraiment importantes en fait auxquelles on ne pense pas en amont et qui sont vraiment vraiment super importantes en fait dans la réalité. Mais bon, voilà, pour rebondir sur ta question sur l'école caserne. Et donc tu as employé deux fois l'expression de l'école du dehors. Ouais. Et tu as voilà écrit aussi un texte donc dans le dernier numéro de la revue Z qui s'appelle Des clous et des vers de terre. Pardon. Et qui raconte donc en tant qu'enseignante cette manière de s'approprier l'école du dehors que toi tu as depuis quelques temps. Est-ce que tu peux nous raconter justement de quoi il s'agit quand on dit école du dehors? Ouais, du coup, en fait, à ta question un peu initiale, faut-il brûler son école? Moi, effectivement, je préfère déjà imaginer qu'on va commencer par en sortir avant de la brûler. Et en soi, c'est pas du tout une réflexion vraiment contemporaine. Ça existe depuis très longtemps. Alors moi, donc effectivement, le texte que j'ai rédigé pour Z, c'est un peu un texte de témoignage. En tout cas, ça part d'une pratique et il y a une volonté descriptive assez forte, même si en même temps, l'idée du texte, c'était aussi de réfléchir à ce qui est en train de se passer en ce moment en termes de médiatisation aussi de l'école du dehors, ou comment ces pratiques peuvent être immédiatement recyclées, réappropriées par des mécanismes qu'on connaît bien, notamment justement de politique urbaine, mais aussi par les institutions scolaire. En tout cas, ce que je voulais, c'était raconter déjà ce qu'on était en train de mettre en place, qui n'est pas unique, hein, qui s'inscrit dans quelque chose qui émerge depuis quelques années. Donc, l'école du dehors, au départ, enfin, il y a de multiples justement courants d'influence, mais pour reprendre un peu le storytelling classique, ça c'est au départ, il y a ces forest schools, donc ces écoles des bois qui sont plutôt mises en place, on va dire grossièrement dans les pays protestants, beaucoup les pays du Nord, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., et qui sont des écoles où les apprentissages se font dans leur intégrité à l'extérieur, dans la forêt généralement. C'est pour ça que ça s'appelle des forest schools. Et on n'a pas du tout l'équivalent en France de ce type d'institutions, de pratiques, de lieux, d'espaces scolaires. Et du coup, plusieurs enseignants ont voulu à l'intérieur de l'éducation nationale essayer d'imaginer ce que ça pouvait être en fait d'appliquer un peu les techniques, les pédagogies qui étaient mises en place dans les forest schools à l'intérieur de l'éducation nationale, et donc ont essayé non pas de sortir quotidiennement ou d'avoir un espace à l'extérieur, mais de sortir au moins le plus régulièrement possible, c'est-à-dire de manière hebdomadaire dans la plupart des cas. Et les premières expériences de ce type ont été menées plutôt en milieu rural, où il y avait effectivement des champs, des forêts, des campagnes à proximité de la classe, ce qui permettait d'y accéder assez facilement. Et du coup, en fait, pour nous, s'est posé la question au moment où, au niveau de l'école, on a eu envie de mettre en place quelque chose. Enfin, on s'est demandé, mais est-ce que c'est possible à l'échelle de la ville? Alors nous, c'est une école qui est à Ménilmontant, donc c'est-à-dire que c'est, on va dire, un ancien quartier populaire, mais en voie de gentrification hyper rapide quand même depuis quelques années. Donc c'est pas non plus faire l'école en milieu populaire complètement, mais ou dans un quartier complètement populaire, mais dans un quartier qui est quand même un peu hybride, mais qui n'a pas, qui a des parcs et jardins, mais c'était pas vraiment ce qu'on avait envie de faire. Donc juste pour revenir justement sur une question un petit peu que tu avais posée aussi, Mathieu. De quoi avaient besoin les enfants des classes populaires en termes de relations avec le dehors, le territoire, etc. C'est pas vraiment une question qu'on s'est posée au départ. Notre question au départ, elle est vraiment d'ordre écolo et c'était en lien avec notre engagement et plus écologique au niveau de l'école, et c'était vraiment une réflexion autour des catastrophes, en fait, réchauffement climatique, etc., et à la suite du mouvement social qui avait lieu au niveau de la jeunesse. Et donc la question, c'était plutôt pour nous quel type d'enseignement requiert la catastrophe ou les catastrophes. Et donc ça nous semblait, évidemment, ça n'allait pas répondre la pratique de l'école de Doha n'allait pas répondre à ça, mais en tout cas ça nous semblait déjà un bon début, en fait. Et donc comme on avait envie de ça, on avait vraiment envie de passer à autre chose. On a essayé de l'appliquer et puis du coup réfléchir un peu dans quel type d'espace on pouvait mener ces expériences-là. Et du coup, il se trouve qu'à Ménilmontant, on a des parcs, hein, mais comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas envie d'y aller. Ça ne nous semblait pas assez riche en termes d'expérience pour les enfants. Donc on a choisi plutôt de se rendre toutes les semaines sur la Petite Ceinture, hein, qui est l'ancienne voie de chemin de fer. Qui a été un peu réhabilité, entre guillemets. Bon, je vais pas m'étendre sur cette question-là. Et puis sinon, il y a un autre endroit qui est pas très loin de notre école, qui s'appelle la TEP, la terre d'éducation populaire, qui est aussi un espace, on va dire, occupé par des habitants qui est devenu une sorte de friche avec une association qui s'en occupe, etc. Et donc, on a commencé à mettre en place cette pratique dans ces endroits-là, quoi. Donc, maintenant, ça fait 2 ans qu'on le met en place et on en est très content. Mais du coup, l'idée de cet article, c'était aussi de réfléchir justement à c'était ce plaisir qu'on avait à découvrir ces pratiques-là. Et puis, en même temps, on était confrontés vraiment à une mise en discours qui nous convenait pas vraiment sur ce que nous on essayait de faire, qui gommait complètement justement la dimension sociale, qui était un discours aussi hyper hygiéniste, hein, sur la nécessité d'être dehors, comme si être dehors suffisait, enfin, pouvait déjà empêcher de tomber malade en temps de Covid, mais il y avait un discours très années 30, en fait, hein, sur qu'on peut retrouver justement dans l'architecture des écoles de plein air des années 30, etc. Donc ça nous embêtait, et puis ça nous embêtait aussi vraiment la réappropriation. Donc moi, l'idée de ce texte, c'était vraiment d'essayer de réfléchir à ça et de comment conserver au sein de ces pratiques quand même une visée complètement, si ce n'est radicale, en tout cas émancipatrice. Et donc là, ouais, je voulais je voulais dire donc, que justement, ce qu'on avait essayé de mettre en place, c'était pas simplement une pédagogie du dehors, du coup, mais finalement une pédagogie de la friche, en fait. Donc d'utiliser les espaces de friche, les espaces de dents creuses, et un peu, parce que c'est un peu les seuls espaces dans lesquels on a une liberté, en fait, à Paris, qui soit pas complètement aseptisée, où il n'y ait pas la main nue des services de la ville. Donc c'est des espaces où les enfants peuvent expérimenter des prises de risque qu'ils peuvent pas expérimenter, en fait, dans d'autres espaces. Et nous, ça nous semblait vraiment hyper intéressant. Donc, c'est pour ça que finalement, plus j'y réfléchis, plus je me dis que le terme de pédagogie de la friche, en fait, est assez adapté à ce qu'on essaye de mettre en place. Et du coup, je voulais, ce que je voulais, c'était revenir sur quelques idées, en fait, pour, non pas pour estampiller à la bonne pratique, de la mauvaise pratique en termes d'école du dehors, parce qu'en fait, on est quand même largement très minoritaire à essayer de tenter. Donc, il ne s'agit pas de dire dès le départ, ah, toi, tu ne fais pas bien, toi, tu fais bien, etc. Mais que, bon, essayer quand même de poser quelques lignes comme ça, quelques idées qui me semblent moins importantes. Bon, déjà, l'idée la importante, c'est effectivement d'essayer de faire l'école du dehors en ville, aussi en ville, et pas simplement avec cette idée d'aller retrouver un espace naturel, vierge, la forêt, à côté de l'école, etc. Mais que c'est des pratiques, justement, qu'on a besoin d'expérimenter aussi vraiment au plus proche des écoles et notamment dans les quartiers populaires, justement. Il y a un lien fort, en tout cas, que moi je fais avec toutes les expériences de terrain d'aventure. Et je suis très contente des photos qui, par ailleurs, accompagnent mon texte, parce qu'elles sont juste formidables, et c'est exactement le type d'expérience que j'avais en tête. C'est-à-dire pas simplement sur des expériences de découverte de la nature ou sur uniquement un discours naturaliste, même s'il est important, et je reviendrai dessus après, mais vraiment croiser ces pratiques d'école du dehors avec des pratiques menées du côté des travailleurs sociaux ou de l'éducation populaire, et notamment autour des terrains d'aventure qui me semblent des expériences absolument majeures en termes de pédagogie, d'éducation, de rapport à la ville, etc. Donc nous, on voulait être aussi inspirés par ça, c'est-à-dire notamment mettre de façon centrale la question du bricolage, de la cabane au centre de nos pratiques du dehors. Et donc, on alterne en fait aussi ce qu'on fait dans le jardin. On a un petit jardin à l'école, mais dans lequel on plantait quelques haricots et quelques radis à la saison, mais on n'en faisait rien de plus, en fait. Et le fait de transformer notre regard sur cet espace et de le transformer en terrain d'aventure, même si c'est juste ridicule en termes de... C'est tout petit comme lieu. Mais du coup, d'avoir posé ce regard-là, ça a permis de transformer complètement ce qu'on pouvait y faire avec les enfants. Et notamment de commencer à faire du bricolage, de faire des cabanes, d'être avec des clous, des marteaux, enfin d'utiliser ce que généralement on utilise peu à l'école. En tout cas, moi, c'était pas mon cas jusqu'à présent. Donc, et des allers-retours comme ça avec ce qu'on fait vraiment dans le grand dehors de la petite ceinture. Et puis du jardin. Donc moi, ça me semble vraiment important de croiser avec les expériences de ce type. Je pense que je parle trop longuement, comme souvent, ça va. Non, il y a une réaction qui va te permettre de reprendre ton souffle. Non, mais du coup, j'ai plein de questions, mais j'en ai d'abord une. C'est est-ce que... parce que dans l'histoire des terrains d'aventure, des playgrounds, il y a une présence des adultes et des enfants, mais il y a ce truc quand même de laisser l'expérience de l'autonomie. Ouais. Donc de ne pas animer. Ouais. En fait, en tant que professionnel, tu n'animes pas, tout à fait. Mais tu es juste là et tu laisses les enfants vivre leur vie. C'est ça. Ouais. Et du coup, est-ce que vous... Ouais, ben justement, c'est un point sur lequel je voulais revenir, mais du coup... Finalement, ce n'était pas une question, mais une transition. Ouais. Tu me permets vraiment de parler de ça, parce que ça me semble vraiment fondamental, en fait, et c'est peut-être justement ce que je veux dire sur ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, en ce moment, on a plein de formations. Enfin, on commence à avoir pas mal de formations, et les questions, c'est vraiment quelles activités mener dehors, quoi. C'est-à-dire, vraiment cette idée qu'en fait, enfin, ce que je vois, c'est une forme de scolarisation du dehors, en fait, une scolarisation de la friche. C'est-à-dire, on amène presque nos outils à l'extérieur et donc on les applique complètement à des espaces qui sont pas a priori faits pour ça. Et nous, on prend le contre-pied de ça. Enfin, on suit un peu ce qui se passe par ailleurs dans les écoles, dans les pratiques de Forest School, hein, qui sont plutôt basées sur l'autonomie en réalité. Donc nous, en fait, on ne fait que du jeu libre. Donc, et en adoptant justement cette attitude de passeuse de nature, hein, mais pas seulement de nature du coup, puisqu'on est aussi sur d'autres types de relations à l'environnement. Mais c'est vraiment ce qu'on privilégie quasiment uniquement. En fait, on a même pas essayé de faire quelques ateliers au début. Enfin, on a vu que c'était tellement riche, en fait, ce qui se passait en termes de jeu libre dans les moments où on était en extérieur, qu'en fait, on a remisé complètement. Enfin, on a réussi à lâcher prise, en fait, et modifier certainement nos postures d'enseignante vers quelque chose qui serait peut-être plutôt, effectivement, une posture d'éducatrice, de travailleur social, etc. Et ça, c'est hyper riche à tous les niveaux. Ce serait certainement trop long de le développer, mais ça change complètement le rapport aux enfants, enfin, aux élèves vis-à-vis de nous, par exemple. Donc, ça, du coup, ça a une implication sur ce qui se passe en classe complètement folle. Donc, le fait de modifier le rapport et en fait de quitter vraiment son costume d'enseignante, enfin en tout cas d'accompagner autrement, c'est extrêmement riche dans la relation et pas seulement dans la relation au niveau des apprentissages. Enfin, donc c'est une des implications très fortes. Donc oui, nous, c'est ce qu'on privilégie vraiment, quoi. Et ça me semble vraiment fondamental dans ces pratiques-là. Ça ne veut pas dire que bon, on peut pas de temps en temps amener autre chose. Moi, j'amène quand même des livres. Des enfants peuvent amener des cahiers s'ils ont envie d'amener des cahiers, etc. C'est-à-dire, j'amène du matériel, mais après les élèves sont complètement libres de l'utiliser ou pas. Et ensuite, eh ben, on les accompagne dans ce qui se passe. Donc, alors comme c'est pas des terrains d'aventure, il y a pas d'outils, on les accompagne dans leur relation du coup au milieu, on va dire. Et puis l'autre aspect dont je voulais parler, c'est que contrairement par contre au terrain d'aventure, c'est qu'on conserve cette grille quand même de naturaliste et cette volonté de créer avec les élèves ou pour les élèves un regard naturaliste aussi sur leur environnement. Et ça me semble de plus en plus important, en fait, et ça nous oblige à nous-mêmes, en fait, nous former sur ces questions-là, parce qu'au départ, je pense que, comme de nombreuses personnes, en fait, on n'avait absolument aucune bille là-dessus. Moi, j'apprends à changer complètement mon regard sur la végétation, les animaux, etc. Mais du coup, acquérir des savoirs naturalistes, ça devient vraiment super important. Et là, pour le coup, ça se passe pas à l'extérieur forcément. C'est-à-dire que quand on est dehors, on n'est pas dans une espèce de didactique où on montre pas, on fait pas les viens, on va voir ci, on va voir ça, là c'est ci, là c'est ça. Mais pour le coup, on le fait beaucoup en classe. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'autre chose qui me paraît importante, c'est que tu vas pas simplement dehors et puis ensuite tu rentres et puis ta vie en classe, elle est comme d'habitude. Et tu poursuis ce que tu faisais en travaillant sur des thématiques, etc. En fait, il y a un aller-retour entre le dedans et le dehors qui est absolument nécessaire pour que justement ça prenne, en fait, que des enfants commencent à se raconter des histoires à partir de ce qu'ils font, commencent à avoir une relation plus riche mais aussi plus pointue, en fait, sur ce qu'ils voient à l'extérieur. Et du coup, le jeu libre est alimenté au fur et à mesure, en fait, par des savoirs, enfin, qu'on acquiert aussi dans la classe, et donc du coup, on n'est pas en train de nommer systématiquement tout ce qu'on voit autour de nous, mais à force, de toute façon, ils finissent par les nommer eux-mêmes aussi, et donc aller observer d'eux-mêmes ce qui se passe dans les orties, voir s'il y a des chenilles, aller écouter les oiseaux, créer des affûts pour observer les moineaux, hein. Bon, on fait ce qu'on peut, mais, voilà, mais en tout cas faire avec la flore et la faune du coin. Et du coup, ouais, je voulais juste peut-être terminer sur cette question, sur l'importance, en fait, à mes yeux, de dé-exoticiser le rapport des enfants justement à la nature. C'est-à-dire que souvent les enfants arrivent à l'école, bon, moi j'ai des grandes sections, hein, donc on est en maternelle, mais arrivent dès tout petits, en fait, avec un rapport aux animaux qui est un rapport avec les grands fauves africains et les grands mammifères, et finalement c'est très compliqué, en fait, de passer de cette échelle qui est très très lointaine, hein, qui ne les touche pas, à une échelle très très proche qui donc va être les insectes, essayer de reconnaître les différents mustélidés, les fouines, les martres, etc., ce qui me semble un programme vraiment important parce que je n'y arrive toujours pas. Et en fait, ce passage-là, ça, moi, je trouve que c'est vraiment hyper enrichissant. Et du coup, voilà, on arrive vraiment à créer une émulation simplement sur l'observation, quoi. Donc, dans l'article, je parle de la relation qu'on a avec les maisons charbonnières, qui a été vraiment une sorte de révolution. Hein. Tu me posais des questions sur l'aspect révolutionnaire de notre pratique, mais en tout cas, c'était une révolution du quotidien, une infime révolution, mais de se rendre compte, en fait, que cet oiseau-là qui chante, c'était une maison charbonnière, et de créer une sorte de rituel, mais que les enfants ont créé d'eux-mêmes, en fait, hein, sans qu'on dise, allez, tous les jours, à telle heure, on va les écouter. De se mettre à l'écoute de ça, en fait, c'était quand même quelque chose d'assez... Ouais, d'assez émouvant et hyper fort. Et donc là, on a vu vraiment que cet aller-retour dehors-dedans se faisait. Bon, alors bien sûr, je suis un peu émerveillée par cette pratique, donc je ne suis pas forcément uniquement objective quand j'en parle. Et il faut toujours garder... Enfin, et elle me semble hyper intéressante, encore une fois, à condition de conserver tout l'aspect social et justement le côté travail social et le rapport à la ville qu'on peut avoir parallèlement. Quoi. Il y a des débats en cours dans le milieu éducatif depuis longtemps autour de la question qui a été nommée par Jean-Michel Blanquer comme les savoirs fondamentaux, donc lire, écrire, compter. Mais qui voit une nouvelle manière de formuler la question de bien, qu'est-ce qu'on fout à l'école et pour qui, comment toi tu penses cette pratique du coup de jeu libre en extérieur par rapport au reste des choses qu'on fait. Voilà, une des idées de Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il faudrait pas déjà être un petit peu en train d'apprendre à lire en grande section, puisque un certain nombre de travaux indiquent qu'on peut apprendre à lire avant 6 ans et que le fait, la maîtrise de la lecture en cours de CP serait relativement prédictive de la réussite scolaire postérieure. Voilà un argument utilisé par le gouvernement actuel pour contrôler davantage, pour orienter les enseignements vers certains endroits, mais ça rejoint finalement paradoxalement une préoccupation aussi des mouvements critiques. Qui est de se demander de quoi ont besoin nos élèves et d'une critique qui a été faite à de nombreuses reprises au mouvement pédago qui serait que c'est bien gentil tout ça mais c'est plus utile à ceux qui vont apprendre à lire de toute façon dans la famille et que ça peut parfois être préjudiciable à celles et ceux qui vont avoir plus de mal à apprendre à lire, écrire, compter en dehors de l'école. Donc la critique qui a pu être faite à la Villeneuve qui était vous nous apprenez à aller faire les courses dans le quartier, à savoir interagir avec notre environnement. Et finalement, une fois arrivé à 16-17 ans, on ne sait pas forcément aussi bien déchiffrer que d'autres. C'est ce qu'ont pu dire, y compris certains élèves passés par là. Et donc, d'un côté, c'était super précieux d'apprendre tout ça. D'un autre côté, on rejoint finalement la préoccupation de dire il faut maîtriser les fondamentaux. On pourrait faire le même type de questionnement. Oui, bien sûr. Par rapport à l'idée d'apprendre à dialoguer avec des mésanges, voilà. Est-ce que c'est comment tu vois ça, quoi, par rapport à l'idée que ça, c'est fondamental en temps de catastrophe? Est-ce que ça peut vouloir dire que certains enfants vont manquer de temps pour apprendre à déchiffrer ce que j'imagine font d'autres collègues hein, qui en grande section, voilà, passent déjà beaucoup de temps à déchiffrer les lettres, apprendre parfois même déjà à écrire son prénom, etc. Ouais. Alors je sais. C'est une grande question, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir te répondre rapidement, mais évidemment que c'est des questions qui nous habitent. Enfin, ce qui nous habite, ce n'est pas l'imposition de Blanquer sur le lire, écrire, compter, mais en tout cas, c'est effectivement la question en termes de différences sociales. Ma réponse, elle est assez traditionnelle, hein, dans le sens où, en fait, on fonctionne en pédagogie de projet. Donc, ta pédagogie de projet, finalement, que ce soit l'école du dehors, c'est-à-dire des savoirs naturalistes plus d'autres types de pratiques en extérieur, ou que ce soit travailler sur des albums, sur telle thématique, en fait, ça, c'est des objets, mais ce que tu vas en faire en classe en termes de technique d'apprentissage, elle n'est pas forcément la même. Mais nous, en fait, on apprend à à lire, écrire, compter à partir de ces expériences-là. Donc, par contre, on n'a pas envie de le faire spécialement en extérieur. Donc là, comme je dis, on est sur les jeux libres, mais à l'intérieur de la classe, de toute façon, on a des pratiques qui elles-mêmes sont alternatives, mais qui ont comme objectif final que les enfants puissent évidemment lire dès l'élémentaire. Donc pour moi, c'est pas, enfin, ça ne s'oppose pas. C'est vraiment une question de pédagogie en réalité. Et même non seulement ça ne s'oppose pas, mais une des bases de l'apprentissage de la lecture, et puis par ailleurs une des différences majeures qui explique notamment, évidemment c'est les différences sociales, mais les difficultés, les différentes façons d'entrer dans la littérature, c'est une question de vocabulaire. Donc là, le ministère nous fait des formations sur le vocabulaire où il faut qu'on apprenne aux enfants 10 mots par jour pour qu'ils acquièrent le vocabulaire qui leur permettra ensuite de pouvoir lire convenablement. En réalité, nous, on part du principe que le vocabulaire, il s'apprend pas comme ça, avec à base de listes de 10 mots par jour, mais à partir de l'expérience. Donc du coup, ce qu'on fait justement, c'est provoquer de l'expérience commune dans nos classes, et ces pratiques-là permettent de vivre des choses qu'on ne vivait pas du tout avant, et du coup développent énormément les vocabulaires, parce que les enfants sont en situation de parler, se parlent beaucoup plus qu'ils ne se parlaient avant, se parlent dans d'autres, enfin, d'une autre manière, en créant des histoires, en imaginant, ont un vocabulaire technique assez développé évidemment sur la nature, mais pas seulement. Et donc en fait, c'est plutôt l'idée que c'est à partir des situations vécues ensemble et non pas sur les différences de vie des enfants. C'est-à-dire les enfants arrivent avec des expériences complètement différentes. Certains vont à la campagne le week-end, d'autres non. Certains évidemment, on leur lit des livres tous les soirs, d'autres non. Et donc partir sur l'idée que c'est à partir du livre, par exemple, uniquement, qu'on pourrait réussir à provoquer en fait du vocabulaire, de l'intérêt, ça me semble assez erroné en fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas lire dans les classes, hein, évidemment on le fait, mais en tout cas on parie plus sur des expériences communes que tous les enfants vivent et sur lesquelles ils peuvent échanger parce qu'ils ont vécu la même à ce moment-là. Évidemment, ils la vivent pas de la même façon parce que chacun y arrive avec leur expérience, mais malgré tout, du coup, ils ont un bagage commun, quoi. Et donc du coup, on développe, je pense, le vocabulaire au moins aussi bien qu'en apprenant 10 mots par jour. Ce sera peut-être pas forcément les 10 mêmes mots, mais en tout cas je suis pas inquiète. Bien sûr que l'école telle que je la connais, de toute façon, et moi-même à l'intérieur, on continue à reproduire les différences sociales. Enfin, je suis pas du tout en train de dire ouais, c'est super, nous on a réussi à trouver la solution et qu'il n'y a plus de problèmes d'apprentissage, notamment pour les enfants des milieux défavorisés. Mais en fait, je crois évidemment 1000 fois moins encore à ce que Blanquer est en train de mettre en place, qui est notamment basé sur les neurosciences, qui me semble quand même complètement beaucoup plus fou en fait que d'imaginer qu'on puisse apprendre à partir d'un vécu et d'une connaissance du territoire en fait. Donc je suis plutôt confiante par rapport à ça, même si évidemment ça ne règle pas tout, parce qu'on ne peut évidemment pas à l'échelle d'une école, d'une classe, d'une expérimentation régler les problèmes d'une société en son ensemble, quoi. J'ai une dernière question, c'est de savoir justement ce qu'il en est du point de vue réglementaire. Est-ce que vous êtes embêté? Comment ça se passe s'il y a des enseignants, des enseignantes qui nous écoutent, qui se disent « Ah ouais, moi aussi je vais regarder autour de mon école ce qu'il y a comme friche, comme lieu propice à la prise de risque ». Comment ça se passe, quoi? Il faut en parler à l'inspecteur, inspectrice, aux parents, on sort comme ça dans la rue, qu'est-ce qu'il en est? Alors, il n'y a pas besoin d'en parler à l'inspectrice. Enfin, il y a besoin d'en parler éventuellement au directeur ou directrice ou personne qui tient lieu de direction. Mais il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas du tout de demande à faire qui doit être acceptée par l'institution, comme toutes les autres sorties. Hein. Pour toutes les sorties, on n'a pas besoin de faire des demandes, sauf contexte particulier, après attentat, etc. Mais même là, en fait, nous, on a réussi à sortir, même si cette année, enfin, au bout de 15 jours, on nous avait dit de ne pas sortir. Finalement, on a dit, ben, en fonction de ce qui est écrit dans le texte de loi, en fait, on a le droit de sortir, et donc on est sorti quand même. Donc non, c'est souvent plus dans la relation avec les chargés de direction que ça se passe, en fait, hein, et donc la manière dont ils conçoivent ce qui est possible ou pas possible de faire. Donc c'est plutôt dans le groupe école, en fait, hein, les relations de pouvoir qu'il y a dans le groupe école qui empêchent ou au contraire permettent ça. Mais les enseignants peuvent complètement le faire. Ensuite, évidemment, en tant qu'enseignant, nous sommes responsables de nos élèves. Donc, par contre, il faut penser les espaces dans lesquels on va. Donc, c'est vrai que c'est fondamental aussi, c'est-à-dire évaluer les risques pour pas débarquer dans un endroit dont on n'aurait pas connaissance, qu'on n'aurait pas analysé en préalable, etc. Mais ça, c'est à nous de le faire. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un à qui il faut demander de le faire, ou il n'y a pas une expertise à demander là-dessus. Donc, par contre, oui, bien sûr, il y a un regard qui se construit aussi sur les risques. Et ensuite, c'est aussi un travail avec soi-même et avec les élèves de pouvoir mettre où sont les limites à pas passer, de les penser ensemble. Et ça, c'est pareil, ça construit aussi des élèves qui sont un peu plus à même de faire attention au final, de savoir à quoi il faut faire réellement attention, et ce qui par contre relève plutôt de l'inquiétude généralisée, comme la peur de se salir, ce genre de choses. Alors oui, les parents, par contre, c'est fondamental. On le fait pas sans les parents. Donc c'est la première chose qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut d'abord commencer par des réunions avec les parents. On peut pas faire ça sans qu'on ait les parents derrière nous. Donc il faut voir ce que ça entraîne comme forme d'inquiétude, éventuellement réfléchir. C'est surtout réfléchir aux vêtements, donc y compris dans les milieux populaires, comment l'école doit acheter des bottes, des pantalons de kawaii, ce genre de choses, pour que tout le monde soit le plus confortable possible tout l'hiver. Et quand il pleut, il a beaucoup plu cette année, par exemple. Donc ça se fait avec les parents. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette relation aux parents. En tout cas, nous, ça se passe super bien. Et c'est vrai que la deuxième année, on a déjà les fruits, en fait. Parce que comme ça a déjà eu lieu, il y a moins d'inquiétudes et les parents peuvent en parler en disant « c'est juste super, il ne faut pas avoir peur, ça se passe très bien ». Donc, comme pour tout, il faut le faire avec les parents. Merci beaucoup pour ce récit de pratique. Et je vais donner maintenant la parole à Yves Flattard, qui est venu nous montrer des photos donc, de terrains d'aventure qui sont exposées en ce moment même à La Parole Errante et qui sont également pour partie publiées donc dans la revue Z. Est-ce que tu peux nous raconter comment ces photos sont arrivées jusque-là ? Déjà, elles ont été faites en 76, à partir de 76 jusqu'en 82. Moi, j'ai cherché des sujets dans Paris, je suis tombé sur une palissade où il marquait que c'était ouvert aux enfants d'une façon absolument libre. Donc j'ai franchi la palissade, n'étant pas un enfant quand même. Et j'ai découvert un lieu assez extraordinaire où justement les enfants peuvent prendre en main des outils, des matériaux et faire ou défaire et même détruire ce qu'ils ont construit. Alors le principe des terrains d'aventure, c'est un espace, disons comme un terrain vague en milieu urbain, qui sont en général repris pendant un certain temps par des associations de quartier. Ils mettent deux animateurs qui sont là simplement pour amener des matériaux et des outils aux enfants. Donner quelques règles parce que le terrain ne peut pas être ouvert en permanence. Donc le fait que les animateurs soient là, les enfants sont assurés également. Et donc il y a des horaires et les animateurs sont là à ce moment-là. Et les animateurs ne créent pas les jeux. C'est les enfants qui décident tout seuls de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et moi, j'ai vécu ça pendant 5-6 ans. Et j'ai trouvé ça assez fabuleux dans le sens où l'enfant est complètement acteur de son développement. Par rapport au playground dont vous parliez tout à l'heure, ces espaces de jeu, là, l'enfant, il est consommateur. Il a un toboggan qui est tout fait, il y a des cages à poules, il y a des espaces qui sont complètement normés. Sur les terrains d'aventure, c'est exactement l'inverse. Il n'y a quasiment pas de normes. L'enfant fait ce qu'il veut, il crée. Les toboggans, moi, sur les photos, vous verrez, il y en a qui ont été créés avec des tôles ondulées. Et pour glisser, les enfants utilisaient des caisses en bois qu'ils avaient fabriquées. Et quand j'ai montré ces photos il y a 5 ans, à 200 mètres de l'endroit où je les avais faites, sur la place des fêtes, j'ai eu des jeunes parents qui m'ont dit que c'était impossible pour eux de voir ça. Parce que je pense qu'entre les années 80 et 2000, il y a eu une régression énorme dans la mentalité des gens. Et il y a beaucoup de gens qui sont plus aptes à comprendre cette liberté et à la donner à leurs enfants. Ce que montre justement l'article de la revue de Jeff Clack dont on a parlé tout à l'heure, c'est que même les playgrounds américains n'ont pas toujours été comme ça, et que cette, qu'il y a eu une ouverture des possibles aussi à certaines époques et qu'on a pu voilà, avoir aussi bien là dans l'expérience que tu racontes en France en 1910, mais aussi aux États-Unis au 19e, au tournant du 20e siècle, une notion de ce que serait une aire de jeu beaucoup moins fermée que celle qu'on a aujourd'hui, où on pourrait peut-être dire qu'on a eu, j'ai l'impression qu'on a passé un cap qui serait le pire dans les années 2000 et qu'on est aussi dans un moment où ça se réouvre un peu, la définition de ça, y compris dans, dans son approche la plus institutionnelle, qui est celle des aires de jeu des villes. Elles ont tendance aussi à changer et à se réouvrir vers des jeux un peu plus ouverts. Je ne sais pas si c'est une perception que vous partagez, mais j'ai l'impression que sur la fermeture des possibles sur ce type d'espace, il y a une sorte de pire qui serait passé et ça commence à se réouvrir un petit peu. Oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis bien content que les photos sortent aussi, ressortent maintenant, 45 ans après, parce qu'effectivement, il y a toute une remise en cause de l'urbain en général, et la place de l'enfant y est dedans, cette remise en cause. Donc ça serait bien, justement, que dans les espaces de jeu, il y ait une réouverture qui se passe. Je sais qu'il y a des terrains qui vont s'ouvrir, il y en a un à Bagnolet, il y en a un à Villers-le-Bel aussi, il y en a un qui a réouvert à Angers il y a 2 ou 3 ans. Mais en France, on est frileux quand on voit ce qui s'est passé en Angleterre, dans les pays nordiques, en Suisse, les Amériques ou aux États-Unis, je ne sais pas. Mais moi, à l'époque, je sais que dans les années 70-80, ça marchait très très bien dans les autres pays. Et en France, ça n'a jamais dépassé une vingtaine, une trentaine et encore. Et c'était éphémère. À chaque fois, les associations de quartier étaient obligées de se battre pour faire tenir les terrains. On arrive au bout de notre table ronde. Merci beaucoup à vous pour votre participation. Donc, je rappelle les références des 3 revues dont on a parlé. Il y a la revue de Jeff Clack, numéro 4, qui s'appelle Cheval de course. Et les revues Z et Jeff Clack ont en commun de très bien vieillir. Donc, je vous recommande les anciens numéros qui sont encore disponibles. Donc, la revue de Jeff Clack, Cheval de course, qui était consacré justement au jeu dans toutes ses dimensions. Le dernier numéro de la revue de Jeff Clack, qui lui s'appelle Terre de Feu, qui est donc le numéro 7 et qui est en vente pour la modeste somme de 14 € dans toutes les librairies. Et puis la revue Z, numéro 14, qui s'appelle Et l'école, elle est à qui ? Point d'interrogation. Et cette fois, c'est 15 €, là aussi en librairie et puis sur les sites internet respectifs des revues. Voilà, on a coutume de dire que Jeff Clack et Z sont les 2 revues largement en tête en termes de rapport qualité-prix et poids-prix également de la critique sociale, puisqu'on a, voilà, on a 600 à 700 grammes d'aventures, d'expérimentations littéraires, d'idées de revendications pour sortir dans la rue dès qu'on en a le droit pour seulement 14 ou 15 €. Quoi. Donc faites-vous plaisir. Merci Mathieu. Merci à toutes ces belles revues de nous avoir accompagnés tout cet après-midi. Dire aussi que dans ce même lieu, à La Parole Errante, samedi prochain, à partir de 12 h, il y a un hommage à Lamine Gueng. Une journée de mémoire, de débat et de formation. Il y aura des ateliers de formation, expo photo, collage photo, cantine, sérigraphie, un coin enfant, de la boxe, du graphe. Voilà. C'est le comité Vérité et Justice pour Lamine Gueng qui, après 14 ans de combat, vous invite à une journée d'hommage, de débat et de formation. Merci à toutes celles et tous ceux qui, bénévolement, ont aidé à préparer cette journée et celle d'hier. Un dimanche à la mer et un samedi à la campagne, c'était ça. Merci ici à la radio, on souhaite particulièrement remercier Nico, Benoît, Pierre et moi-même. Donc je me remercie moi-même, voilà. Pour avoir installé la technique. Bah oui, oui, oui. Pour avoir installé la technique. On vous donnera des nouvelles sur le site La Parole Errant demain, toutattaché.org, sur les prochaines rendez-vous radiophoniques. parce que effectivement, il y a depuis quelque temps maintenant un studio radio à La Parole Errante, et ce studio radio est destiné à être un espèce d'outil transversal pour raconter ce qui se passe dans le lieu, accompagner ce qui se passe dans le lieu, mais aussi pour des créations, des productions, et pour accueillir les penseurs critiques, les penseuses critiques aussi. Voilà. On est un peu fatigué, mais on est très content de cette journée. Et voilà, bah, c'est encore une petite après-midi radio qui se termine avec Julius Eastman. Pierre, est-ce que tu rajouterais un mot ? Non. À bientôt. Thank you.